bout. Le soleil de chaque journée fait en quelques destinées éclore un rêve d'amour parmi la foule, un amour se pose sur une âme de 20 ans. Pour elle, tout se métamorphose, tout est couleur de printemps. À Paris, quand le jour se lève, à Paris, dans chaque faubourg, à 20 ans, on fait des rêves, tout est couleur d'amour. Ils habitaient le même faubourg, la même rue et la même cour. Il lui lançait des sourires, elle l'aimait sans lui dire, mais un jour qu'un baiser les unit, dans le ciel elle crut lire comme un espoir infini. L'avenir efface le passé quand l'espoir lui a pari dès la nuit venue. À Paris, dans chaque faubourg, à toute heure, une âme émue.